Le petit Gunther naquit en 41 et son frère Simon, 8 ans plus tôt en juin, au cœur de Berlin. En 42, la fille s'est poignée par l'autre malheureux, entrée au pensionnat. Un mercredi soir, il était dénoncé. Le jeudi qui suivit, la Gestapo vint le chercher pour l'arrêter. Simon se pressait pour retrouver son grand frère. 19 ans plus tard, c'était le 13 août, année 61, jour où fut construit le rideau de Berlin. Et comme autrefois, tout recommençait. Simon et Gunther étaient séparés, effaçant des mains leurs larmes qui coulaient. Ils savaient.